Les gloires de Marie. Paraphrase du Salve Regina. Première partie. Markendanarchive.org 2023. D'après Books Google FR et livremystique.com. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique. Préface du traducteur. Mois de Marie 1862. Les gloires de Marie ont paru à Naples en 1750. Saint Alphonse était alors dans sa 54e année, ses forces ruinées par des austérités et des travaux excessifs lui faisaient regarder sa fin comme prochaine, ainsi qu'il le déclare dans sa dédicace, et ne lui permettait aucunement de se douter qu'il eût encore près de 40 ans à servir Dieu sur la terre. On sait que cet apôtre infatigable avait fait vœu de ne jamais perdre un instant, tout le temps qu'il n'employait pas l'exercice du saint ministère, il le partageait entre la prière et l'étude, accordant à peine à son corps le repos et les ménagements d'une absolue nécessité. C'est ainsi que, depuis de longues années déjà, il amassait une ample provision de matériaux destinés à former tant d'ouvrages utiles qu'il méditait, soit pour convertir les pécheurs ou éclairer et nourrir la piété des fidèles, soit pour aider ceux qui sont chargés de travailler à leur salut, double but qu'il avait toujours en vue, et qu'il s'est proposé spécialement en publiant les gloires de Marie. Dans l'original, les gloires de Marie sont divisées en deux parties seulement, sans doute parce qu'elles furent imprimées d'abord en deux volumes, dont le premier contenait l'explication du Salve Regina, et le second tout le reste. Mais nous y trouvons cinq parties bien distinctes, et nous suivons cette division, pour faire mieux saisir l'ensemble et tous les détails de l'ouvrage, tome 8e. Chaque écrit de notre saint est comme un résumé de la tradition catholique sur le sujet qu'il traite. Ce n'est pas un auteur particulier, c'est, pour ainsi dire, l'Église même qui nous parle par la voix de ses prophètes, de ses apôtres, de ses pontifes, de ses saints, de ses pères, de ses docteurs de toutes les nations et de tous les siècles. Aucun livre ne nous paraît plus recommandable sous ce rapport que les gloires de Marie. Quant aux faits merveilleux fréquemment cités pour servir d'exemple, nous prions le lecteur de voir l'avis du saint auteur en tête de l'addition aux exemples, tome 8e, qui termine l'ouvrage. Le père de Champ, dans la préface de l'opuscule remarquable qu'il vient de publier en l'honneur de la Sainte Vierge, la Nouvelle Ève, raconte ce qui suit. Dans une visite que nous rendions à un savant et pieux ami, nous trouvâmes les gloires de Marie parmi les livres qui couvraient sa table. Il vit que nous avions remarqué cet ouvrage, et le prit en nous disant « Voici mon thermomètre spirituel, quand je suis un peu fidèle à la grâce, ce livre, par la moindre de ses pages, m'éclaire et soutient ma confiance. Quand je me néglige et m'attiédis, il ne me va presque plus, il devient, pour ainsi parler, trop fort pour moi. À ce signe, je rentre en moi-même, et je reconnais sans peine que ce n'est pas la lumière qui a diminué d'éclat, mais que c'est l'œil intérieur qui n'est plus capable de la supporter aussi vive. Je travaille alors à rendre à cet œil de l'âme sa pureté et sa force, et bientôt le thermomètre remonte, je veux dire que l'âme remonte et se retrouve à l'unisson des chères gloires de Marie. Nous n'avons garde, ajoute le père de Champ, de tirer de ce fait isolé une conclusion générale, qui ne serait pas légitime, puisque l'expérience prouve tous les jours que les gloires de Marie touchent les pécheurs et les ramènent à Dieu. Comme elle console les justes et les anime à la persévérance, mais il n'en est pas moins vrai qu'il est un certain état de l'âme malheureusement trop connu, état de langueur et d'obscurité, où l'on éprouve le besoin de varier ses lectures, et d'être doucement ramené à celle que l'on est presque plus digne de goûter. Saint Alphonse lui-même, sans le vouloir, a donc fait tout à la fois l'éloge de son ouvrage et celui de sa vertu, dans une circonstance touchante que rapporte le père Panzuti, Novenar Sermon 5e. Lorsqu'il était presque nonagénaire, le frère qui le servait, lui faisait la lecture spirituelle. Un jour, ravi de ce qu'il entendait, et n'ayant plus la mémoire aussi présente, le saint dit à la fin, « Mon frère, qui a composé ce beau livre qu'il est bien écrit, quelle suavité, dites-moi qui en est l'auteur ?» Le frère, lisant le titre, répondit, « Gloire de Marie, par Alphonse de Liguori. » À ces mots, le bon vieillard resta tout confus et garda le silence. Son humilité se trouvait comme prise dans un piège. On peut dire, sans crainte de se tromper, que les personnes qui s'attachent à la lecture de livres tels que ceux de notre saint, tels notamment que les gloires de Marie, sont dans l'amitié de Dieu ou sur le point d'y arriver, et si elles persévèrent dans ces dispositions, leur salut est assuré, c'est un choix de perles fines, habilement enchâssé dans un cadre qui en rehausse encore l'éclat et la valeur, c'est une mosaïque de pierres précieuses, dont l'aspect attire et charme le regard, l'élève et le purifie, sans le fatiguer jamais, tant que l'œil n'est point gâté, c'est une nuée qui éclaire et protège, une eau qui rafraîchit et guérit, une manne céleste qui soutient notre vie dans ce désert aride et périlleux, et nous fait parvenir sûrement à la terre promise, en nous donnant un avant-goût des biens dont elle abonde. Lisez une page des Gloires de Marie, n'importe laquelle, et vous sentirez ses effets. Ô Mère du Sauveur et notre Mère, vous savez combien nous sommes heureux d'avoir pu accomplir cette œuvre, parce qu'elle est destinée à vous faire connaître et à aimer de plus en plus. Nous vous rendons mille actions de grâce pour la bonté que vous avez eue de nous accorder cette consolation, malgré notre indignité. Et si vous agréez notre travail, ô Reine de miséricorde, daignez maintenant le bénir, en sorte qu'il produise son fruit dans les âmes et vous les attire en grand nombre, afin que vous les présentiez à votre divin Fils et les sauviez comme vous le désirez si ardemment. Nous vous recommandons d'une manière spéciale toutes les personnes qui nous ont prêté ou nous prêteront leur concours à cet effet, celles qui liront ce livre, celles qui le feront connaître aux autres et tâcheront de le propager par amour pour vous et pour les âmes, et surtout celles qui auront la charité d'invoquer votre toute-puissante miséricorde en notre faveur. Sanctifiez-nous. Ô Vierge Sainte, sanctifiez-nous, sauvez-nous tous. Et vous, illustres serviteurs de cette glorieuse souveraine, vous qui avez déployé un zèle si ardent et si efficace pour établir son aimable règne dans toutes les âmes, maintenant que vous pouvez davantage, achevez votre œuvre. Étendez sur nous cette main bénie qui a écrit tant de pages immortelles pour éclairer le monde. Remplissez-nous de votre esprit, communiquez-nous quelque chose de votre cœur si aimant, inspirez-nous de grands désirs et une résolution généreuse. Faites, en un mot, que nous marchions avec courage sur vos traces, que nous devenions saints comme vous, afin que nous ayons un jour le bonheur d'être avec vous dans la joie du Seigneur, aux pieds de Jésus et de Marie. Ainsi soit-il. Approbation. Deux théologiens de notre congrégation ont été chargés par nous d'examiner l'ouvrage intitulé « Gloire de Marie », formant deux volumes des œuvres de Saint Alphonse, traduites par le révérend Père du Jardin. Les examinateurs nommés ayant vérifié l'entière fidélité de cette nouvelle traduction en la collectionnant avec soin à l'original, nous en approuvons la publication. Rome, le 5 mai 1862. Nicolas Moron, supérieur général et recteur majeur de la congrégation du Très-Saint Rédempteur. Imprimatur, Tornassi, dit 31 mai 1863, P. V. Décan, vicaire général. Salve Regina. Salut, Reine, Mère de la Miséricorde, vie, douceur, espérance des hommes salut, enfant d'Ève, nous crions vers toi dans notre exil, vers toi, nous soupirons parmi les cris et les pleurs de cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard plein de bonté, et montre-nous Jésus le fruit béni de tes entrailles, à l'issue de cet exil, ô clémente, ô bonne, ô douce Vierge Marie. Supplique de l'auteur à Jésus et à Marie. Mon très aimant Rédempteur et Seigneur Jésus-Christ, moi votre misérable serviteur, sachant combien réjouissent votre cœur ceux qui s'efforcent de glorifier votre très sainte Mère, que, vous aimez tant, et que vous désirez si vivement de voir aimer et honorer de tout le monde, j'ai formé le dessein de publier ce livre qui traite de ses gloires. Or, je ne sais à qui je le pourrais mieux recommander qu'à vous-même, puisque vous avez tant à cœur la gloire de cette auguste mère. C'est donc à vous que je le dédie et le recommande. Daignez agréer ce faible hommage de mon amour pour vous et pour votre mère chérie, protégez-le. Remplissez ceux qui le liront d'une pleine confiance et d'un amour ardent envers cette Vierge Immaculée, en qui vous avez placé l'espérance et le refuge de toutes les âmes rachetées par vous. Et pour récompense de mon humble travail, je vous prie de m'accorder autant d'amour envers Marie, que j'ai voulu en allumer par cet ouvrage dans le cœur de tous mes lecteurs. Je m'adresse aussi à vous, ô ma douce souveraine et ma tendre mère, Marie, après Jésus, vous le savez, c'est en vous que j'ai mis toute l'espérance de mon salut éternel, car, tout mon bien, ma conversion, ma vocation à quitter le monde, et toutes les autres grâces que j'ai reçues de Dieu, je m'en reconnais redevable à votre intercession. Vous savez aussi que, pressé de vous voir aimer de tous les hommes comme vous le méritez, et de vous donner quelques marques de ma gratitude pour les bienfaits que vous m'avez prodigués, j'ai cherché sans cesse, en public et en particulier, à vous faire connaître en tout lieu et à inspirer à tous le goût des douces et salutaires pratiques de votre culte. J'espère continuer ainsi jusqu'à mon dernier souffle, mais mon âge déjà avancé et ma santé affaiblie m'avertissent que la fin de mon pèlerinage approche, et que j'entrerai bientôt dans l'éternité, c'est pourquoi j'ai voulu, avant de mourir, laisser au monde ce livre, afin qu'après moi il continue à vous louer et à porter aussi les autres à publier vos gloires et votre grande bonté envers vos dévots serviteurs. Ma bien-aimée reine, j'ai la confiance que ce pauvre don, quoique si inférieur à votre mérite, ne laissera pas d'être agréable à votre cœur généreux, parce que c'est un don tout d'amour. Étendez donc cette main si douce qui m'a délivré du monde et de l'enfer, acceptez mon livre et protégez-le comme une chose qui vous appartient. Mais sachez que j'attends de vous, pour cette légère offrande, une récompense faite que désormais je vous aime plus ardemment, et que chacun de ceux entre les mains de qui parviendra cet ouvrage, s'embrasse d'amour pour vous, qu'il sente aussitôt croître en lui le désir de vous aimer et de vous voir aimer aussi des autres, et qu'en conséquence il s'emploie de tout cœur à publier vos louanges et à augmenter autant qu'il le pourra chez les autres la confiance en votre puissante intercession. Ainsi j'espère, ainsi soit-il. Votre très aimant, quoique très indigne serviteur, Alphonse de Ligori, du très saint Rédempteur. Avis au lecteur. Afin que cet ouvrage ne prête pas le flanc aux attaques d'une critique outrée, je crois bien faire de donner ici quelques éclaircissements touchant une proposition qui reviendra fréquemment sous ma plume, et qui pourrait paraître hasardée ou du moins obscure. S'il en est d'autres de même genre qui attirent particulièrement l'attention de mon charitable lecteur, je le prierai de croire que je les ai toutes entendues et énoncées dans le sens admis par la vraie et solide théologie, et par la Sainte Église catholique romaine, dont je me déclare l'office très obéissant. Ainsi, j'ai dit dans l'introduction, en renvoyant au chapitre 5, que Dieu veut que toutes les grâces nous parviennent par les mains de Marie. C'est là une vérité bien consolante pour les âmes pénétrées d'une tendre affection envers la Sainte Vierge, et pour les pauvres pécheurs qui veulent se convertir. Or, cette assertion ne doit pas paraître opposée à la saine théologie, car le père de la théologie, Saint Augustin, dit en thèse générale que Marie a coopéré par sa charité à la naissance spirituelle de tous les membres de l'Église. Voici les termes du saint docteur. Au sens spirituel, Marie n'est pas mère de notre chef, qui est le Sauveur, mais elle est plutôt sa fille. Car tous ceux qui croient en lui, et Marie entre autres, s'appellent avec raison les enfants du Christ, du céleste époux, mais, dans le sens spirituel, Marie est très véritablement la mère des membres de Jésus-Christ, c'est-à-dire de nous tous, parce que, par sa charité, elle a coopéré à faire naître dans l'Église les fidèles, qui sont les membres de ce chef divin. Confère de la Sainte Virginité, chapitre 6, numéro 6, privilège spécial de Marie. Et un auteur célèbre, est d'ailleurs nullement suspect d'exagération ni d'enthousiasme pour les fausses dévotions, ajoute, comme c'est proprement sur le calvaire que Jésus-Christ a formé son Église, il est clair que la Sainte Vierge a coopéré d'une manière excellente et singulière à cette formation, et ainsi, on peut dire que, si elle avait enfanté Jésus-Christ, chef de l'Église, sans douleur, elle n'a pas enfanté sans douleur le corps de ce chef. Ainsi, elle a commencé sur le calvaire d'être d'une manière particulière la mère de toute l'Église, instruction sur le pater est lavée par Pierre, Nicole, instruction sur la salutation angélique chapitre 2. Conséquemment, pour tout dire en peu de mots, le Dieu très saint, voulant glorifier la mère du Rédempteur, a déterminé et arrêté que la grande charité de cette Vierge Immaculée intercéderait en faveur de tous ceux pour lesquels son divin Fils a payé et offert le prix surabondant de son sang adorable, sang dans lequel seul est notre salut, notre vie, et notre résurrection. Confère Saint José Maria, Chemin de Croix, deuxième station, numéro 5, Exaltation de la Sainte Croix. C'est sur cette doctrine, et sur tout ce qui s'accorde avec elle, que j'ai prétendu fonder mes propositions. D'ailleurs, ces propositions, les saints eux-mêmes n'ont pas fait difficulté de les avancer, soit dans des colloques affectueux avec Marie, soit dans de chaleureux discours composés en son honneur. Un ancien père, cité par le célèbre Vincent Contenson, a écrit ces mots, « La plénitude de la grâce est en Jésus-Christ comme dans la tête d'où elle découle, et en Marie comme dans le cou, qui la transmet aux membres. » La même chose est enseignée en termes précis et pleinement confirmée par le docteur angélique, Saint Thomas. La bienheureuse Vierge est dite pleine de grâce sous trois rapports. En troisième lieu, elle est pleine de grâce quant à la distribution des grâces à tous les hommes, C'est une grande prérogative pour un saint quelconque d'avoir assez de grâce pour suffire au salut de plusieurs, mais la prérogative serait à son comble si quelqu'un en avait assez pour suffire au salut de tous les hommes. Or, c'est ce qui se vérifie en Jésus-Christ et en la bienheureuse Vierge, car, dans tous les périls, nous pouvons obtenir le salut de cette Vierge glorieuse. C'est pourquoi il est écrit qu'à cette tour mystique sont suspendus 1000 boucliers, Cantique 4, 4, c'est-à-dire qu'en elle se trouve du secours contre tous les dangers. De même, nous pouvons obtenir son appui dans la pratique de toutes les vertus, c'est pourquoi elle dit elle-même, En moi est tout espoir de vie et de vertu, Saint Thomas d'Aquin, salutation angélique.